Franco Douimane. Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici quelques titres. Trois parmi les cinq personnes, dont quatre Français et un seul Burundi, qui avaient été arrêtés à Bujumbura vendredi dernier, sont déjà libérés. Ils avaient été arrêtés pour des crimes économiques. Vous entendrez la réaction de l'avocat conseil, maître Fabien Segatkwa. Et un fonctionnaire ingénieur de la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Muyinga a été tué hier près de son domicile. Notre correspondant nous donnera quelques détails dès le début de ce journal. On parlera aussi du budget de l'État pour l'exercice 2018-2019 en budget d'austérité comme celui de l'année en cours, mais avec des atouts sur les minerais et le café, nous dira un analyste, expert économiste. Et voilà pour le sommaire. Ce journal est mis en onde par Albert Douayou. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir, je venais de vous le dire, le nommé Mompoutou Jean-Pierre, travaillant à la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Muyinga, a été tué hier par balle, tiré à bout portant par des malfaiteurs non identifiés à quelques mètres de son domicile. Alors que les auteurs du crime sont activement recherchés par la police, les autorités administratives demandent aux habitants du centre-ville de Muyinga de faciliter la tâche aux forces de l'ordre la nuit en éclairant les extérieurs de leurs habitations. Les détails dans cette correspondance de Dieudonné Zeyman. Vers 23h, trois coups de fusil ont retenti dans le quartier Kibogoye de la ville de Muyinga. C'est l'ingénieur Jean-Pierre Momoutou, cadre à la direction provinciale de l'agriculture et l'élevage à Muyinga, qui venait d'être fusillé par des inconnus. C'est à une dizaine de mètres de l'enclos de son habitation. Trois balles l'ont perçu au niveau de la poitrine. Il a succombé juste après son arrivée à l'hôpital de Muyinga. Difficile de connaître le mobile du crime, aucune arrestation du probable criminel n'a été opérée jusque dans l'avant-midi de mercredi. Philippe Nyiramihigwa, administrateur de la commune Muyinga et des agents d'ordre présents sur le lieu du crime mercredi matin, regrette qu'un citoyen soit abattu en pleine ville. Les malfaiteurs se sont cachés dans un endroit non éclairé. Et pour éviter que des malfaiteurs ne profitent de l'obscurité sur les voies routières et commettent leurs forfaits, tout propriétaire de bâtiment est invité à poser sur les clôtures des lampes pour éclairer les parages. Certains habitants réclament plutôt l'éclairage public comme c'était le cas dans la ville de Muyinga dans le passé. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné. Les recettes qui proviendront du secteur des minerais n'ont pas changé. Elles restent estimées à un peu plus de 7 milliards de francs burundais. Le ministre des Finances, qui était ce lundi à l'Assemblée nationale pour une séance d'explication du contenu de la loi des finances, exercice 2018-2019, a donné ses clarifications pour répondre à certains députés soucieux de savoir la part des exploitations des minerais dans le budget de l'État. Joseph Sabiyabandi. Dans la séance des questions adressées au ministre des Finances avant l'adoption de la nouvelle loi des finances, certains députés, à l'instar de Monima Adolphe, n'ont pas caché leur inquiétude par rapport à la contribution du secteur minier dans le budget de l'État. Cet élu du peuple s'interroge si les prévisions peuvent changer. Quand vous nous aviez apporté le projet du budget en décembre dernier, on avait eu des inquiétudes sur les recettes perçues dans le secteur des mines et des carrières. Vous nous aviez dit que c'est un montant de 7 557 560 000 francs burundais. Vous nous aviez dit que c'était encore tôt, qu'il n'y avait aucune raison de se presser parce que l'exploitation des minerais est un domaine nouveau. Monsieur le ministre, aujourd'hui, 6 mois plus tard, peut-on prévoir la baisse ou l'augmentation des recettes dans ce secteur? Qu'est-ce que vous en dites par rapport à l'état d'avancement des activités? Les mêmes inquiétudes sont affichées par le député Maraïka Panfil. Je soutiens l'honorable Adolphe pour cette question des minerais. Je me rappelle que le ministre nous a dit qu'il ne croit pas à ce qu'il ne voit pas comme Thomas. Il nous a dit qu'il ne pouvait pas se prononcer sur les recettes des minerais sans avoir encaissé un rond. J'aimerais vous demander, monsieur le ministre, si vous êtes toujours pessimiste par rapport à la contribution des minerais dans les recettes de l'État. Les prévisions de décembre dernier ne changent pas, répond le ministre des Finances. Domitien Dihokubgayo explique que bien de sociétés d'extraction de minerais sont dans la phase d'implantation. Nous avons prévu les 7 milliards et nous sommes au mois de juin. Ces prévisions ont été faites au moment où des sociétés minières étaient en train d'être mises en place et on comptait sur ces dernières. L'état actuel des faits est que ces sociétés sont à l'œuvre et certaines d'entre elles sont encore dans la phase d'installation et d'équipement en matériel. Quant à l'exploitation de ces minerais, cela dépend de la technologie utilisée. Vous comprenez que cela doit prendre du temps pour la technologie moderne par rapport à l'exploitation traditionnelle qui était utilisée auparavant. Pour cette année alors, nous poursuivons le programme de la fin de l'année passée. Ce n'est pas encore trop tard. On espère que cette somme sera collectée si on considère du moins les activités en cours. L'inquiétude sur l'apport des minerais dans le budget de l'État avait été également soulevée en milieu de la semaine dernière par le président de la Cour des comptes, M. Élisée Ndaye, avait conseillé aux députés de demander au ministre des Finances la base des calculs des recettes du secteur minier. Joseph Nsabiyabandi, le budget d'austérité n'est pas une fatalité pour l'État burundais. C'est une analyse faite par l'expert économiste Isaac Wizimana au moment où, depuis un bon bout de temps, jusque même pour 2018-2019, le budget annuel de l'État est d'austérité. Cet enseignant d'université explique que le Burundi a des atouts, notamment à travers les minerais, le café. Mais il faut de la transparence dans l'utilisation de ce budget, selon toujours l'expert. Suivez Isaac Wizimana au micro de Léonce Vitalio. Si vous regardez en termes de sous-sol, en termes de minerais que le Burundi a commencé à exploiter, si on regarde les tendances en termes de production caféière et que les fraudes ont drastiquement été éliminées, je n'ai pas de doute que demain ou après-demain, ce budget d'austérité serait peut-être notre budget qui n'est pas un budget d'austérité et que, comme on dit chez nous, on pourrait peut-être avoir un léger mieux. On a souvent évoqué les relations entre le Burundi et l'Union européenne qui ne sont pas au bon fixe. Est-ce que ces relations ne sont pas à l'origine de ces budgets d'austérité? Oui, c'est possible, mais je me dis que c'est tant mieux d'ailleurs. C'est tant mieux que si on arrête les aides extérieures, on apprend à gérer autrement. Je me dis que, comme on dit chez nous, hein, quand vous vous cassez une jambe, vous apprenez à boiter. Il ne faut pas toujours compter sur les fonds extérieurs. Si nous parvenons à compter sur nos propres ressources, si nous parvenons à gérer correctement, je n'ai pas de doute que ça serait mieux. Mais par contre, il faut dire que la suppression des aides de l'Union européenne ont des raisons politique. Et ces raisons politiques, on voit que de plus en plus, ces raisons commencent à ne pas exister. Ce sont des causes conjoncturelles qui, forcément, vont changer, mais je ne sais pas quand. Mais vous savez, la politique, c'est dynamique. Hein? C'est dynamique. Une cause conjoncturelle, demain, les conjonctures changent et les aides vont reprendre, je suis certain. Mais que les deux parties se conviennent pour assainir ces relations, tout même. L'important, c'est de maintenir les passerelles de communication. Bah, écoutez, on a toujours le représentant de l'Union européenne au Burundi. Je suppose que s'il est là, c'est pour représenter l'Union européenne. On n'a pas enlevé notre ambassade auprès de l'Union européenne. S'il y a ces deux entités, ils vont se parler. Je suis sûr et certain qu'on constatera probablement que les causes qui ont présidé à la suppression de l'aide de l'Union européenne ne subsistent plus, ne résistent pas à l'analyse, ou alors sont carrément connues dans une autre dynamique. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Justice à présent, trois parmi les cinq personnes, dont quatre Français et un seul Burundais, qui avaient été arrêtés à l'aéroport international de Bujumbura vendredi dernier, sont déjà libérés. Il reste un Français et un Burundais qui sont encore détenus à Muramvya et Gitega. C'est leur avocat maître Segato Fabien qui le confirme, sans toutefois préciser les chefs d'accusation qui pèsent sur eux, puisque ces derniers ont été à maintes reprises modifiés. Suivez-le au téléphone avec Ornella Mucho. En fait, on ne sait pas exactement de quoi ils sont accusés parce que les infractions changent suivant les communications. Au début, ils étaient accusés d'escroquerie, de faux usage de faux, d'infractions en rapport avec la constitution des sociétés. Mais en fait, on ne voit pas en quoi consiste cette escroquerie. On ne voit pas tout ce qu'ils ont fait. Ce sont les avocats, leurs avocats qui les ont aidés dans l'établissement des documents. Y a-t-il des gens qui ont été libérés? À ma connaissance, je connais juste les cinq, en Burundais et quatre Français. Bah, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je ne les connais pas. Vous venez de dire qu'il y a des gens qui ont été libérés et d'autres qui sont encore détenus. Pourquoi cela? Les infractions ne sont pas les mêmes? De toute façon, les dénonciations sont les mêmes. Et je ne sais pas, évidemment, puisque je ne suis pas dans l'instruction. Cela dépend du ministère public et de la l'appréciation, le moment. Enfin, nous espérons quand même tout de même que dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, eux aussi pourront être mis à liberté. Parce que, apparemment, en tout cas, les faits qu'on leur reproche ne sont pas des faits infractionnels. Maître Fabien Segatois, justice toujours avec cette condamnation à perpétuité par la cour d'appel d'Ongozi de l'ancien administrateur de la commune Muruta, Jean Donatien Kabaka, et ses quatre co-accusés qui écopent d'une détention illégale, qui sont accusés de détention illégale d'armes et de participation aux bandes armées, ainsi que de perturbation du dernier référendum constitutionnel. Son avocat parle d'un montage. Et certains rapatriés de 2015 à partir de la Tanzanie, de la commune Nyanzalak en province Makamba, apprécient la façon dont ils ont été accueillis par leurs voisins. Néanmoins, ils disent qu'ils font face à des problèmes dont l'accès difficile aux soins de santé et les maisons d'habitation qui ont été détruites, ce que confirme l'administration communale. C'est un reportage de Vestine Boutoui. Ces habitants récemment rapatriés disent qu'ils cohabitent pacifiquement avec leurs voisins, une d'entre eux. Ici, personne ne me repousse pas car nous sommes dans une bonne cohabitation avec les voisins. Si elle est part dans ses activités quotidiennes, ses enfants sont gardés par ses voisins. Une certaine voisine m'a conseillé de laisser chez elle mes enfants car je passe tout mon temps au marché. L'un a 5 ans, l'autre 4 ans. Je ne fais que les nourrir et les laisser chez ma voisine avec les autres enfants. Mais le problème majeur qu'ils font face est l'accès aux soins de santé, dit-elle. J'ai pas de carte d'assurance maladie pour me faire soigner. Je me suis adressée à l'administration communale. Je leur ai demandé un papier qui me permet de me faire soigner et on m'a répondu que je dois payer 6500 francs pour. Je suis incapable de le payer et j'ai préféré abandonner. L'enfant qui est maladif est mon nourrisson. Dernièrement, il souffrait de la fièvre. Je me suis adressée à ma voisine qui m'a donné des médicaments et sa santé s'est un peu améliorée. Le chef de la colline Bukeye indique que ces rapatriés n'ont pas de maison d'habitation. La meilleure solution serait de reconstruire leur maison et encore surveiller la distribution de leurs paquets retour pour éviter des tricheries. Les maisons détruites par des fortes pluies devraient être réhabilitées. Ils louent des maisons tant bien que mal puisqu'ils n'ont pas des moyens. Ils ont beaucoup de problèmes. Si un bienfaiteur leur vient en aide, quelquefois cette aide est détournée vers les résidents qui n'en avaient pas besoin, au lieu de le distribuer aux concernés. Le conseiller de l'administrateur communal de Nyanzalak affirme son manque de maisons d'habitation de la part des rapatriés. De plus, l'administration aide les élèves rapatriés à reprendre le chemin de l'école. Tous ces enfants ont eu de l'école, mais le problème pour ces rapatriés qui ont venu au mois d'avril de mai, l'intégration au niveau du secondaire a été très difficile parce qu'ils ont trouvé des programmes déjà très avancés. Alors, ils ont été promis qu'ils vont les intégrer au mois de septembre. Cette autorité demande aux résidents de bien accueillir ces rapatriés. Vestine Boutoui. Et les effectifs des diabétiques ne cessent d'augmenter dans la province de Gitega, selon un constat fait par la représentante nationale de l'Association pour la prévention et la prise en charge du diabète. Elle et les personnes souffrant de cette maladie demandent à l'État de rendre disponibles les médicaments contre le diabète à des prix abordables. Les détails dans cette correspondance de Gérard Nivikira. La représentante de l'Association pour la prévention et la prise en charge du diabète, après PRIDIA en abrégé, Madame Spes Caritas Nzavimana, fait savoir que les cas de diabète augmentent au lieu de diminuer dans la province de Gitega. Nous remarquons que le nombre devient exorbitant. Par exemple, aujourd'hui, dans notre association, on assiste plus de 600 patients diabétiques adultes avec plus de 200 enfants diabétiques. L'année passée, on avait 153, maintenant, vous voyez que le chiffre augmente. Ces chiffres, on les trouve où? On les trouve dans les structures de soins, dans les hôpitaux, dans les centres de dépistage, comme dans notre association. Nous voyons que les chiffres augmentent de jour en jour. Ces chiffres, on les trouve aussi dans les dépistages de masse gratuits qu'on fait chaque année. Donc, le diabète toujours occupe une place très importante dans les problèmes de santé publique. Il faut créer une politique nationale pour l'accessibilité de ce, pour ces patients qui ont besoin de ces médicaments et aussi l'accessibilité. Il faut que les médicaments arrivent à un prix normal, à un prix trop bas pour que les médicaments soient accessibles envers tous les patients. Si tu vas à l'intérieur, tu trouves ce médicament comme on trouve la quinine. Un des malades du diabète explique l'impact du diabète sur la santé des patients et de leur famille. Quand tu vas à l'hôpital, c'est de l'argent qui sort de la famille, alors que même cet argent n'est pas aussi suffisant. Lui aussi demande à l'État de tout faire pour rendre disponibles les médicaments contre le diabète et à des prix abordables par tous. Depuis Gitega, Gérard Nivigira pour la radio Isanganiro. Et pour terminer ce journal, l'espace constituant l'aérogare pour les voyageurs est très étroit, l'aéroport international de Bujumbura. Ce constat a été évoqué ce mercredi dans la 44e réunion de la communauté est-africaine sur la facilitation du transport aérien. Une femme de la délégation tanzanienne qui a pris part à cette réunion déplore la lenteur du système de vérification à l'aéroport de Bujumbura. Deus Niyonguru, représentant de la direction générale de l'autorité de l'aviation civile au Burundi, reconnaît cette situation mais promet qu'elle sera améliorée prochainement. Eli Nibel Nibikira. C'est une réunion organisée annuellement où deux pays membres de la communauté est-africaine reçoivent des délégations des autres membres de cette communauté pour se rendre compte de la situation en ce qui concerne la facilitation du transport aérien. Mwana Juma Kombo, de la délégation tanzanienne, est chargé de contrôle aérien à l'aéroport international Julius Nyerere, dit avoir trouvé quelques irrégularités à l'aéroport international de Bujumbura, dont l'étroitesse de l'aérogare pour les voyageurs. Si c'est la première fois que j'arrive à Bujumbura, je peux ne pas connaître comment la situation se présentait avant et comment elle est aujourd'hui. Mais il y a un problème d'accueil. Moi, j'ai pris pas mal de temps pour être en fait servi. Mais je sais que la cause est le manque de bancs à l'accueil. Ils sont peu. Il y a 3 bancs seulement. C'est-à-dire qu'une fois un est en panne, c'est une galère. Madame Kombo demande au gouvernement burundais de procéder à l'élargissement des espaces d'accueil pour les passagers, mais aussi la construction d'un endroit pour les soins médicaux des passagers ayant eu des problèmes de santé en avion. Le directeur général par intérim de l'autorité de l'aviation civile au Burundi, Deus Niyonguru, ne nie pas l'exiguïté de l'aérogare. Il se félicite cependant de l'amélioration des conditions des passagers et de leur sécurité et promet l'amélioration de cette situation d'ici peu. L'aéroport international de Bujumbura s'est déjà doté d'un système efficace de couverture par vidéosurveillance de tous les espaces. Nous sommes en train de mettre en œuvre la séparation, par exemple, des passagers au départ et à l'arrivée pour les VIP. Et nous sommes aussi en train de finaliser un projet très intéressant qui nous permettra d'avoir de nouvelles infrastructures, notamment l'aérogare, pour pouvoir abriter les zones qui ne peuvent pas être disponibles à cause de l'exiguïté de l'espace actuel. Parmi les 6 pays que comprend la communauté est-africaine, 2 pays n'ont pas pris part à cette 44e réunion sur la facilitation du transport aérien. Il s'agit du Rwanda et du Sud-Soudan. Voilà, c'est sur ce reportage d'Eli Nibel et Nibigira que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouayo pour la mise en onde de micro Jean Bosco Ndouimana. Passez une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.